Clément. Oh, bah, bonsoir Tenaille. Eh, hey, bonsoir Jack. Comment il va? Ah, eh ben, attends, un petit peu. Ça va pas mal. Et toi donc? Ça va. Il me semble que t'es une nouvelle fois de plus en vacances. Alors, nouvelle fois, hein? Il y a 15 jours, t'étais en vacances. Ouais, c'est la deuxième fois seulement. Tu pourras dire ça la troisième ou la quatrième fois. Oui, d'accord, excuse-moi, j'ai pris un peu mes devants. T'as pris un peu trop la confiance. Ça me fait plaisir de te retrouver parce que je m'étais dit qu'on aurait pu enregistrer une nouvelle petite salve de capsules. Eh ben, faisons ça, tiens. On récapépète, ça se dit. Hein, ça se dit, hey. Ça se dit. Le principe de ces capsules, c'est de venir parler de groupes, alors, en espérant que tu ne les connaisses pas, qui sont déjà venus au Hellfest et donc qui ne seront pas traités dans l'émission de base, là où on ne traite que les groupes venus pour la première fois. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Donc là, on va parler d'un petit groupe et tu as peut-être, en fait, cette semaine, tu as peut-être dû te demander, mais c'est bizarre, je vois pas forcément le lien dans les groupes que tu as choisis, mon bon Jack. Le lien. Bah, c'est-à-dire que des fois, tu peux voir une certaine cohérence ou pas, et là, t'as peut-être pu te poser la question de, c'est bizarre. C'est vrai. C'est vrai que, alors, je me le suis pas dit de cette manière-là, mais, j'ai pas trouvé de lien quelconque. Y a pas... À moins que toi, t'en aies trouvé un. Non. C'est pas forcément un lien, c'est plus en fait, parce que les gens se demandent peut-être aussi comment, on effectue le choix de ces capsules, des groupes pour ces capsules. Il faut savoir que c'est donc moi. Principalement et uniquement qui les choisit, qui te les soumet au compte-gouttes, c'est-à-dire que tu ne sais pas, par exemple, ce qu'il y aura dans la prochaine session. Ouais. Et donc, à chaque fois, c'est plus ou moins, toi, tu te retrouves avec 5 groupes, et tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas qu'est-ce qu'a pu décider tel ou tel choix. Mmh. Si, alors, tu l'as, t'en avais pas déjà parlé, juste l'indice un peu de popularité, vite fait. Alors, il y a un peu, en fait, parce que maintenant, je fais attention à ça, j'essaye de regarder pour essayer d'équilibrer entre plus ou moins des groupes populaires. En fait, je lisse un peu sur les 5 groupes en essayant d'avoir une représentation un peu par nombre d'auditeurs, à peu près, et après aussi par style. J'essaye de pas faire des. De pas mettre semaine Doom, semaine Evie. Voilà, j'essaye de pas faire ça. Et j'essaye toujours de placer un groupe français dans la sélection. Ok. Voilà. J'essaye toujours un peu. Ouais, de, dans la mesure du possible, quoi. Donc voilà. Dans la mesure du possible, je regarde le nombre, on va dire, de fans, donc sa popularité du groupe, le genre et un groupe français au milieu d'autres groupes étrangers. D'accord. Voilà. Ok, ok. Mais après, chaque groupe a plus ou moins une raison pour lequel je le choisis. Ah oui. Parce que si tu m'aurais dit, chaque groupe a une raison de participer au Hellfest. Non. Et en l'occurrence, le premier groupe, eh ben, c'était un groupe que je ne connaissais pas. D'accord. Ouais. On va partager une découverte. Voilà. Okay, en fait, d'accord. C'est un groupe que je connaissais pas, mais que j'avais vu depuis très longtemps sur des affiches, et qu'à chaque fois je voyais, je dis, oh bah ça normalement c'est pour moi, c'est un style qui est pour moi. Ouais. Donc je m'étais dit, bah c'est super, je vais en profiter pour faire une découverte, vu que comme ils sont déjà venus, mais qu'on en a jamais parlé dans le podcast, dans le Road to Hellfest. Ah, il a même pas eu le droit à une petite chronique. Non, parce que la dernière fois qu'ils sont venus, alors je l'ai marqué, et j'ai pas ouvert. Il me semble que c'était en 2015, ils n'étaient venus qu'une fois. Et à cette époque-là, le podcast. C'était ton premier Hellfest, toi, 2015. Tout à fait. Ils sont effectivement devenus en 2015 et ils joueront en Altar. Ok. Alors, mais avant de commencer ça, il me semble que c'est pour bien démarrer un épisode, il me semble qu'il faut que tu nous fasses un petit générique. Un petit. Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant t'as un peu la pression ou pas quand tu le fais. Faut que tu restes naturel, faut pas que tu penses. Ouais, d'accord. Vas-y. Alors. Père Jack, raconte-nous une histoire. Père Jack, nous raconte des histoires. Père Tenaille, nous chante des génériques. Le Père Jack et le Père Tenaille nous font des chouettes petites capsules. Générique. Donc, comme je le disais en préambule, c'est un groupe que je ne connaissais pas, que je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais eu le temps d'écouter, qui vient donc pour la deuxième fois au Hellfest, et donc j'ai pu me plonger autant dans l'histoire du groupe que toi dans la musique, et donc c'est en fait un peu ensemble tous les deux qu'on va pouvoir avancer là-dessus. Est-ce que du coup, tu sais déjà de quel groupe je vais parler? Alors, je vais presque piffer Psilosis. Effectivement, on va parler de Psilosis. Heavy is the crow, no one there to save you, no one, no one at all, where the count for you, get up. Et donc, comme on a pu un peu l'entendre à travers cet extrait, Silosis est donc un groupe de thrash metal, mais britannique, originaire de Reading en Angleterre. Et il faut savoir que c'est ce qu'on appelle communément un groupe issu de la bande de potes de lycée, quoi. Gros, c'est un gros. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, parce que tu vois, et on va surtout aussi principalement parler d'un membre du groupe, parce que aujourd'hui dans le groupe ils sont quatre, mais c'est Josh Middleton qui est là depuis le début, parce que le groupe s'est formé dans les années 2000. Ah, et donc ouais. Lui, il est là depuis le début. Il est à la guitare solo et au chant, mais okay. Le chant il n'y est que depuis 2010. Donc en fait, toi, il y a eu beaucoup oui, de okay. trucs. Et dans les autres membres du groupe, t'as Ben qui est à la guitare rythmique depuis 2024, mm-hmm. Connor qui est à la basse depuis 2019 et Ali qui est à la batterie depuis 2014. Donc toi, ça fait un moment que les membres sont là, mais lui, il est vraiment là depuis le début et toi, le plus vieux membre après lui, il est de 2014. Okay, donc, ah, oui. Le groupe avait déjà quand même 14 ans. Ouais, ouais. Et donc en fait, lui, il explique qu'il a toujours voulu faire de la musique depuis tout jeune, que quand il était au lycée, bah, c'est la seule chose qui comptait pour lui, c'était d'être dans un groupe de métal et d'être guitariste. Tu vois, il dit à cette époque-là, les mecs, ils étaient tous dans des boys bands ou à faire du foot. Lui, c'était le skateboard et le heavy metal. Donc il a commencé vraiment bêtement avec une guitare électrique qui devait traîner chez lui, qui devait appartenir à un voisin. Et ça lui a donné envie d'en faire. Donc il a récupéré une vieille guitare acoustique qui était à son père, qui n'avait jamais servi, pour un peu s'entraîner dessus. Puis après, il s'est entraîné. Il a fait partie d'un groupe. Au début, il est un peu tombé dans le rock. Au tout début, par Nirvana, comme beaucoup de monde. D'accord, après, okay. Il a fait l'évolution classique, Smashing Pumpkins, Foo Fighters. Après, il est passé sur du Sepultura, sur Machine Head, Fear Factory. Du Sepultura ? De Sepultura. Ah ouais ? Oui, parce qu'on m'a dit que j'avais mal mis l'accent la dernière fois, donc je le mets là. D'accord. Et si jamais c'est pas bon, bah, je le remettrai ailleurs la prochaine fois. Je vais m'adapter. Tu finiras bien par tomber juste. Mais oui, à un moment donné. Et en plus, et une fois après être passé à Korn, qui a pour lui été vraiment un choc, ce qu'il a beaucoup aimé, c'est de se rendre compte qu'il y avait, avec Iowa, donc le second album de Slipknot, t'avais des groupes qui pouvaient aller encore plus loin dans la violence et encore, voilà. Et okay, ça l'a vraiment motivé, quoi. Donc lui, ça a été un vrai truc. Donc, au début, ils ont fait un premier concert dans une espèce de petit local où il y avait plein de bandes de jeunes qui devaient s'affronter pour gagner une journée d'enregistrement dans un studio. Ah ouais, ouais, ok. Donc ils ont fait ça et eux, ils ont gagné face à un groupe qui était, de ce qu'il dit, c'était le groupe du petit ami de sa sœur qui faisait des reprises des Red Hot. Ok, donc, d'accord. Eux, avec leur métal à eux, ils ont réussi à. Ah, ça c'est beau ça par contre. Ouais, ouais. Et donc, il pense que selon eux, les gens ont aimé leur énergie juvénile de l'époque, quoi, qui mettait vraiment. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et donc, ils ont enregistré comme ça leur première démo en une après-midi à la suite de ça. Ok. Après, le problème qui s'est passé, c'est que à Reading en Angleterre et même dans la banlieue tout autour, il n'y avait pas tant de groupes de thrash. Donc, c'est un milieu qui n'était pas fermé. Et lui, il s'est dit, je devrais sûrement un jour déménager en Amérique parce que voilà. Malgré tout, il a quand même continuer avec son groupe, ça s'est bien passé. Ils ont réalisé 2 EP, après un album. Mm-hmm. Après avoir fait les 2 EP, ils ont reçu un email de la part de Nuclear Blast. Ah, qu'ils aimeraient bien travailler avec eux, donc ils sont entendus. Et hop. Voilà. Après, ils avaient vraiment une définition que eux, ce qu'ils voulaient, c'est avoir un son de thrash de la Bay Area de San Francisco. Donc, c'est de là que venaient Metallica, Slipknot, okay. Megadeth. Ah ouais, ok, d'accord. Pour eux, leur son de base, c'était ça, quoi. Donc, c'est un peu ce qu'ils ont voulu mettre, en tout cas, dans leur premier album. Ok. Donc après, forcément, vu ce que je t'ai dit au niveau des membres, beaucoup de départs, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur le fait qu'aujourd'hui, en tout cas, selon moi, le groupe, c'est vraiment Josh Middleton. Le guitare soliste chanteur. Ouais, d'accord. Donc ils ont continué à sortir des trucs. Après, ça s'est plutôt bien passé pour eux parce qu'ils sont rapidement partis faire des tournées. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'avec le premier album, il abordait des thèmes tels que la fin de la race humaine, dans le sens où la nature reprendrait ses droits au sein de la Terre. D'accord. La couverture qui monte à un monde vivant avec la race humaine. Mais il n'y a pas de référence religieuse, ça, il le tient. Ok, d'accord. Ok. Et une fois qu'ils sont arrivés, donc, parce que le premier album, lui, il est sorti, il est sorti en 2008. Donc, toi, ça a quand même. Ah oui, le conclusion Fun Age. Voilà, il est sorti en 2008 et en 2010, c'est là qu'il s'est retrouvé chanteur. Donc, c'est arrivé tôt dans la carrière du groupe. Oui. Dans la discographie, en tout cas. Dans la discographie, voilà. Donc, ça a mis un petit moment. Oui, c'est pour ça que c'est pas flagrant, quoi, voilà, tous ces changements-là. Exactement. Quoi. C'était pas forcément, on s'en rendait pas compte. Ouais. Donc, une fois arrivé pour le. Donc, justement, après en 2010 pour le deuxième album, là, ils ont voulu être encore plus lourds et en plus progressifs dans le style. Ils avaient voulu vraiment prouver qu'ils étaient capables de d'évoluer sur tous les niveaux et de montrer qu'ils en avaient encore plus, quoi, qu'ils étaient en évolution. Et ça, c'est quelque chose que Joss, il dira tout au long de, un peu de la carrière du groupe, c'est que le groupe évolue tout le temps. Ce qui va nous amener d'ailleurs au dernier album sorti la semaine dernière, qui est aussi une suite d'évolution, même peut-être vers des styles qui commencent un peu à s'éloigner du thrash pour ramener vers un style un peu moderne et un peu qui cartonne actuellement. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. En novembre 2011, ben, Psylosis annonce qu'ils vont faire une tournée donc à travers les États-Unis, qui va très bien marcher et qui va même se prolonger là-bas jusqu'en 2013 où ils vont être impliqués dans un accident routier. J'ai vu ça. Et il y aura donc des blessés qui vont faire que la tournée va s'annuler. Merde. Ils vont la reprendre plus tard. Okay. Et c'est après cet épisode qu'il y a un autre membre qui s'en va, quoi, après 9 ans au sein du groupe. D'accord. Donc c'est là où vraiment, tu sais ça. C'est en 2014 et c'est là qu'arrive le batteur qui va rester. Coup de pied dans la fourmilière, cette merde. Ouais. Et après le 3 octobre 2014 de cette même année-là, bah, le groupe annonce faire une pause. Ok. Et en fait, dans cette pause, il a été invité à venir jouer dans Architect lors d'une tournée pour remplacer les mecs. Ok. Et en fait, tant que gratteux. Ouais. Et en fait, il est resté dans Architect pendant un petit moment. Ok. Ouais. Et même il a dû, si je dis pas de conneries. Il était devenu guitariste à plein temps, parce que je crois, alors d'après ce que je lis rapidement, et je suis vraiment pas sûr parce que je connais pas bien la carrière d'architecte, mais peut-être il y a un des membres qui a dû décéder et qu'il a dû prendre sa place, et il est même devenu créatif en fait. Il a dû faire de la musique. Ah, il a porté un petit peu en plus de juste faire un peu de remplacement, quoi, entre guillemets. Donc il a fait partie d'architecte à un moment, et après il est revenu parce qu'ils ont fait une pause de 3 ans. De leur côté, Psylosis, avant de revenir. Et pendant cette explication de retour, il y a aussi un membre qui est parti. Donc, tu vois, voilà. Mais, bon, bref, il continue à sortir des albums. Ça continue de se barrer. Ça revient. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'année dernière, il était à nouveau en tournée aux États-Unis. Et il était dans une couchette, mais il était malade, il avait dû manger un truc qui allait pas, enfin il était pas bien. Et il a commencé à avoir une espèce d'angoisse, il est monté en pression où il était persuadé qu'il allait à nouveau avoir un accident. Il a eu une espèce de traumatisme. Ouais. En fait, il a eu un espèce de réflexe. Ouais, et en fait, un truc de mais qu'est-ce que je fous là, je devrais être avec ma famille, à m'occuper de mes gosses et tout. Et donc, il a eu peur que ça se passe. Il a même appelé son manager en disant ouais, je vais rentrer chez moi, mais je m'en fous de combien ça coûte, je m'en fous de tout, je laisse tomber. Quoi. Ouais. Et en fait, il a réussi à se rappeler que. Un petit coup de panique, quoi. Ouais, il a réussi à rester quand même. À dominer ça, quoi. Voilà. Mais, comment dire, ça a créé... donc, pour lui, c'était un stress post-traumatique. Mmh. Et il s'est demandé vraiment pourquoi... Enfin, comment il allait arriver à surmonter cette période, quoi. Et pour lui, c'était déjà l'accident d'avant, la pire période de sa vie. Et c'est là une nouvelle période compliquée. Et en fait, ça a servi un peu de catharsis pour mettre dans ce nouvel album... qui est sorti donc vendredi de la semaine dernière. Très récemment. Ouais. Et il a voulu un peu mettre de ça là-dedans, et c'est un peu de ça que ça parle dans cet album-là. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un album qui a pas mal quand même de sonorités un peu metalcore. On en arrive un petit peu à ça. Et que justement, t'as l'air d'être d'accord avec moi. Donc Et lui, il est pas tout à fait OK avec ça. Alors j'essaie de retrouver le passage où j'en parle, où il explique que justement, mais en gros lui il dit que quand on vient le voir et qu'on lui dit ça, il est pas forcément ok, parce que pour lui il est capable de dire d'où chaque riff vient exactement et pourquoi c'est un bon riff de thrash et que c'est pas forcément inspiré par D'accord, lui il le prend comme ça, quoi. À l'écoute, moi c'est un peu ce qui m'a marqué, parce que du coup je vais parler rapidement de ce que j'ai pensé du groupe. J'ai pas tout de suite été séduit, parce que on est quand même sur un groupe de thrash, mais moi que je trouve très moderne, et qui rappelle pas tant, du coup, ce que tu disais tout à l'heure, le côté son de la Bay Area de l'époque. Ouais. On est vraiment sur un thrash moderne et qui est très, on va dire, propre, mais qui est très bien joué, qui est très clean, mais qui a pas un petit peu le côté un peu crade que moi je peux apprécier. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à y rentrer dedans. Il m'a fallu, j'irai quand même plusieurs écoutes pour vraiment apprécier. Je garde quand même quelques réserves. Alors, je dis pas qu'il est moins bon, mais ce dernier album, pour moi, est un peu trop metalcoreisé. Oh, ah oui. Et on perd un peu le côté thrash. Il est un peu plus posé, un peu plus. Un peu moins comme ce que je pourrais aimer, mais je trouve que, par contre, vraiment techniquement, les mecs sont bons, ça marche bien. Lui, en tant que chanteur, il assure, et que je suis plutôt content d'avoir découvert ce groupe-là et de pouvoir continuer à aller y creuser. Parce que, quand même, pas mal de morceaux que j'ai bien aimés. Juste, c'est peut-être trop moderne pour moi. Ça sent un peu moins la salle de répète et un peu plus, d'une certaine façon, le studio, si je devais dire. Mais ça reste de la très bonne cam, de la très bonne musique. Et j'ai encore besoin de un peu de temps pour bien apprécier ce nouvel album que je trouve un peu trop metalcore. Ah ouais. Ok. Mais toi, Tonight, qui est pas du tout un gars du thrash. Eh ben oui, oui. C'était une proposition, je sais que j'ai voulu la partager avec toi, mais du coup, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Eh ben écoute, voilà, hein, je connaissais pas du tout, alors pas du tout, j'ai jamais entendu ce mot-là, ce nom-là du tout, hein, parmi tant d'autres, hein. Mais je suis content pour ça, parce que c'est aussi un peu le but, moi. J'arrive en voulant te faire découvrir des groupes que je connais et que tu connais pas, mais d'arriver aussi à complètement surprendre, parce que à travers ça, tu peux avoir, au moins, ça ouvrira forcément des choses en toi. Carrément. C'est ça qui est intéressant. Tout comme il y a des groupes que je croyais connaître et qu'en fait en écoutant je fais ah non je m'attendais pas. Bon, ça sera une autre discussion. Mais j'ai marqué que, alors tu vois, je pense que mon oreille elle est pas encore bien affûtée sur certains styles. Tu vois, autant par exemple je vais écouter un groupe avec une base black, je vais détecter beaucoup plus facilement. Là, les bases trash, je suis encore pas assez expert. Mm-hmm. Tu vois, moi, j'ai mis que c'était un peu death metalcore trash mellow, tu vois. Ouais. Tu vois, un peu. Mais après, c'est peut-être aussi le, parce que j'ai commencé par le dernier album, moi. T'as commencé après, la semaine j'ai, dernière, j'ai tout remonté. Ouais. Et j'ai réécouté le dernier album. Donc, super efficace. Mm-hmm. Franchement, tous les albums sont pas trop mal passés. Je crois que j'ai commencé vraiment à plus apprécié. Autant les premiers albums, je pense qu'on est peut-être un peu plus dans la bonne veine, peut-être trash, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai préféré, tu vois, forcément. Je pense pour toi, ouais. Moi, justement, je commençais à plus apprécier à partir de Monolith. D'accord. Enfin, là, je pense, je sais pas, il y a une petite évolution. Je sais pas trop comment, j'arrive pas bien. Mais par contre, ouais, le dernier album, je trouve qu'il sort complètement du lot. Ah ouais. Je dirais pas qu'il y a pas une patte quand même, parce je suis d'accord, il y a leur son. Ouais, il y a leur son. Il y a leur son, mais c'est vrai que le dernier, moi je m'y retrouve un peu. Je suis pas le premier adepte du metalcore, et puis j'ai pas envie de dire non plus que c'est un album metalcore. Faut peut-être pas abuser, tu vois. Ça l'est pas. Non, mais il y a quand même, enfin. Mais moi c'est vraiment, tu vois, on en a écouté des groupes de trash, on en a découvert, et c'est vrai que c'est là où je me rends compte quand même que je suis pas encore bien, j'arrive pas à détecter tous les styles. Ouais. Là, j'ai un peu de mal à le repérer, tu vois. D'accord. Tous les éléments. Alors, peut-être plus en termes de riff, de rythmique, ou je sais pas trop. Après, moi, comme je te le dis, c'est aussi beaucoup plus moderne, quoi. Il est vraiment, on sent le côté moderne du truc. C'est pour ça, quand t'as dit qu'ils veulent vraiment faire un truc qui vient de la Bay Area, comme un peu comme Metallica et tout ça, je dis on n'en est pas si proche, si tu veux comparer, que t'écoutes bien les deux distinctement. Après, ça, c'était vraiment la note d'intention de leur début. Ah oui, d'accord. C'est vraiment, pour eux, c'était leur son, c'était ça dans le début. Après, aujourd'hui, non. Ouais, mais tu vois, moi, j'arriverais pas à dire est-ce que c'est parce que les albums à partir de Monolith ou quoi, ou juste ils sont plus modernes, je sais pas, peut-être un, j'ai envie de dire plus progressif, ou je sais pas trop quoi, je sais pas trop comment le déterminer, mais moi, c'est vrai que à partir de Monolith, ouais, je commençais à avoir plus de facilité dans l'appréciation, dans l'écoute. Ouais. Et le dernier album, c'est super efficace, c'est entraînant, c'est pas trop vénère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, franchement, le dernier album, j'ai bien, là, je l'ai réécouté encore ce matin, et du coup, d'avoir refait un petit peu la disco, je l'ai encore un peu plus apprécié. Et bonne découverte, hein, franchement, c'est pas non plus un gros coup de cœur, mais bon, c'est pas mal ce qu'ils font. Ouais, le trash moderne, hein, on va dire ça comme bonne découverte. Non, franchement, pas mal. Et du coup, est-ce que vendredi tu seras en altar ou pas? Est-ce que ça t'a donné envie ou pas? Bah franchement, ça m'a pas déplu. Je pourrais très bien me retrouver dedans sans problème. Je pense pas que tu vas passer. Je pense pas que ça va être difficile de rester devant. Je pense que ils ont tout ce qu'il faut. Leur dernier album, moi, je trouve que il en verra du lourd. Hein. Ils sont en programmé. J'ai pas checké trop. Si tu me donnes 2-3 millisecondes. Vas-y, y a pas de souci. Hein. Après, ça peut dépendre de ce qu'il y a en face, mais bien sûr. Non, franchement, mais non, sans problème, hein, je pourrais y aller sans problème. Hein, un live de Silosi, je pense que ça doit pouvoir bien envoyer, quoi. On a dit, j'ai dit quoi? J'ai dit vendredi en Altar. Vendredi en Altar, ouais. Vendredi en Altar, il passe. Ok, bah écoute, bah s'ils y sont pas déjà, bah ça va être non, hein, parce que vendredi, bah écoute, vendredi si c'est pour aller les voir et que je les vois pas, Attends, mais je suis fou quoi. Si j'ai pas envie de me retrouver par erreur au milieu d'un. Non, ils sont assez haut quand même. Ils sont alors il y a la tête d'affiche, la sous-tête d'affiche, ouais, la sous-sous-sous-tête ouais, d'affiche ouais, et Psylosis. Ouais. Ah, il fera encore jour, hein. Oui, non, mais on s'en fout, Altar. Ouais, non, clairement. T'as vu, j'ai fait clairement, un ouais. Non, franchement, ouais, il y a de grandes chances que je pourrais te retrouver devant, hein. Sans okay. problème, hein. Bon, bah. Ouais, j'ai bien aimé, hein, franchement. Écoute, je pourrais t'accompagner. J'étais bien. Même si j'ai une petite réticence sur le dernier album, comme je suis bien content d'avoir découvert ce groupe, j'ai envie d'aller un petit peu voir en live. Les quelques lives que j'ai pu voir en vidéo m'ont donné un peu envie, donc je pourrais t'accompagner en live. Ça serait trop bien. Tu vas te donner un petit peu de temps pour réécouter un peu, machin. Non, mais tant que tu vas avoir sûrement. Mais j'en ai plein de temps. Franchement. T'as bien vu, même avant que t'arrives, je faisais quoi? Je glandais. J'étais dans mon canapé, tu je faisais là, rien. Tu disais, j'ai trop de temps, je sais plus quoi en faire. Exactement. Donc, tu sais que j'hésite à relancer 2-3 autres projets de. Ah ouais? Allez. T'as d'autres choses à ajouter c'est sur ça, Psylosis? Celui-là. Eh ben, écoute, c'était bien. Eh ben, c'est déjà ça. C'était pas mal. C'est déjà ça. Merci beaucoup à toi, Tony. Merci. On à se retrouve toi. Rapidement? Ouais, très vite. Eh ben, avec plaisir. Allez, pour une prochaine histoire, Père Jack. Au revoir. C'est pas ça du tout le son. C'est pas du tout le son. Non, c'est Keleva. Non, c'est pas du tout. Ah, c'est pas Keleva à la fin.